Ok, c'est Romain Gordon avec du Rasta, 3G Prod, Romain Gordon. Ok, 2011, 3G Prod. Ok, Iggy. Oh. Ok, ok. 3G Prod. Ok, ah. Il est con, fils des meufs, nique les cafés, il doit changer, faut pas regarder quand j'ai le fil dans le mille. Line avec ma bite, allez 3, j'ai trop la trique, ma bite, oh du ras, let's go beat. Mon mec veut regarder, oublier les gueules de con, et t'es jaloux, si ma poule c'est un pouf, faut pas regarder. Nigaret ses broches qui d'antan était l'ancêtre de ses 20 ans. Demande à un nif de ses fêtes perdues, son proche ton cul levé pour vipère, elle met tant de fer. Ma vie au son de la peste, je l'ai fait de serre, tu veux que je t'en resserre. Nique l'été, au point de s'épiler, mon nom sert pépé, je t'y répète, s'épiler, payer le thé. Et pour terrasser, oublier le sevant, j'ai mon blaze d'encramé. C'est pour terrifier RG, je prends trois pour trinquer. Ouais, faut pas regarder. Faut pas regarder. Ah, faut pas regarder. F.I.T. D.O.G. This is F.I.T. D.O.G. This is Fat Dog in the place to be. I'm gonna make it for you tonight. Everyone gonna make it for you tonight. Make it for you tonight. Everybody in the club, club, let's groove tonight. Fat Dog. Faut pas regarder. My name is Fat Dog. My name is Fat Dog. Faut pas regarder. My name is Fat Dog. Faut pas regarder. Fat Dog. Fat Dog. My name is Fat Dog. Faut pas regarder. Faut pas regarder. Faut pas regarder. Faut pas regarder. Ah, faut pas regarder. Faut pas regarder. Ha, faut pas regarder. Ha, faut pas regarder. Ha. Faut pas regarder. This is my dog in the place to be. I'm gonna make it for good tonight. Everybody in the club, let's groove tonight. F-I-T-D-O-G. This is my dog in the place to be. I'm gonna make it for good tonight. Everybody in the club, let's groove tonight. Faut pas regarder. Ha! Faut pas regarder. Ha! Faut pas regarder. Ha! Faut pas regarder. Oh! Faut pas regarder. Faut pas regarder. Faut pas regarder. Faut pas regarder. Faut pas regarder. Faut pas regarder. My name is Fat Bat. Fat Bat. Fat Bat. Fat Bat. My name is Fat Bat. Fat Bat. Ils sont connus sur ce système du crevard. On se ramène à faire des vannes, c'est banane. Les fans se voient pas, demande à JP, tu dis son cerveau se resserre. Des points de suture, des copilants, j'ai l'impression qu'il faut se puter ton agent, tout mon rime. Tu, ma gueule d'un enclume, aucun recul, je sais si que j'ai le frisson de la culbute. La culture du son et de mes sons, c'est plus pire. Une salutation, si sans elle sans virgule. Faut pas regarder. Faut pas regarder. T'inquiète, je sais faire, une ceinture, je bloque, j'ai la vie à l'air, rien à faire, je suis un kéké, je remballe, un 3, c'est 3, je crois, il désire, à Amy, tu s'indiques, à la pluie, on rappelle que j'ai mon débit qui gique, mets des points sur les i, ça dit, j'ai fini, ouais, faut pas regarder, oh, faut pas regarder, oh, faut pas regarder.